la musique des étoiles n'a jamais connu le jour. La musique des étoiles, la plus vieille chanson d'amour, elle nous mène, nous entraîne plus souvent qu'à notre tour. Et je t'aime et tu m'aimes et la nuit. Je t'aimerai toujours jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la nuit des jours. La musique des étoiles, c'est le ciel jusqu'à dans notre cœur. Faire plus de 100 000 tours. Ton étoile et la mienne se retrouveront toujours. Se retrouveront. Je t'aimerai longtemps, je t'aimerai toujours, jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la nuit des